Tous les dimanches, de 23h à minuit, Digital Fury avec Denin et Réo sur RPL Radio. En radio numérique.

RTL Radio. Chaque dimanche, 23h minuit, Digital Fury avec Denis Nereo sur RPL Radio. Motherfucker. Radio. I'm fucking horny.

Radio. Jamais écouter la radio comme avant. RPL Radio est en DAB+, 24 heures sur 24.